Bonsoir Charline, bonsoir Alex, si tu écoutes, j'annule tout. Est-ce que vous avez le pouvoir ce soir d'annuler le remaniement ministériel? Ah non, on est bouleversés. On est bouleversés, la perte de Fleur Pellerin. C'est dur parce que c'est... Voilà. Après bon, on s'attache vite à ces gens et puis il y a des nouveaux qui arrivent et on les connaît pas encore très très bien, mais ça viendra. Hein. Enfin, si vous voulez, il ne paie rien pour attendre, si vous voulez. Mais bon, pas tout de suite, on n'a pas eu le temps de faire connaissance avec eux. Ils ont encore un peu de répit, profitez-en. Merci pour ces informations. Bonne soirée. Bonne soirée à vous. Écoutez comment nous avons préparé cette émission. Salut les amis. Salut Charline. On reçoit Thierry Lhermitte. Ah non, non, hein, non, non. Moi hier je me suis tenue avec Emma Decaune. Tu te tiens avec Thierry Lhermitte. Disons que c'est surtout elle qui t'a tenue quand même. Pardon. Ah ouais. À distance, elle t'a tenue à distance. Ah, ouais, on peut pas avoir du succès tout le temps. Ah, ah non, c'est ça. Ouais, ouais. De là à jamais en avoir. Oui, bon, allez, papa, là on choisit les sujets. La coupe de l'homme, ça a l'air intéressante. Oui, c'est sur l'argent des intellectuels. Ah oui, ça c'est intéressant de savoir si Finkielkraut est mieux payé que Minc ou BHL. Non. Quoi non? Non mais attends, ça veut dire ces gens sont payés? Ah ouais. Ah d'accord. Ah oui, je comprends. Moi je me suis toujours dit en écoutant Éric Zemmour, faudrait me payer cher pour dire ce qu'il dit. Bah, peut-être qu'il a les mêmes opinions que toi, voilà. Zemmour. Voilà, mais il est payé cher, donc il dit l'inverse. Voilà, je vois. Ça passionne, hein. Ah, oui. Mais donc, c'est pas toujours le plus intelligent qui gagne le plus. Ça, heureusement pour toi, j'ai envie de dire. C'est ça, en fait, c'est l'inverse du foot. Attends, tu veux dire qu'au foot, c'est les plus cons qui sont le mieux payés? Mais non, en foot, c'est le meilleur qui gagne le plus. Ah, oui, donc le foot est plus cohérent que l'intelligence. C'est une drôle de société. Oui, je ne comprends rien. Quoi, Finkielkraut, il aurait dû jouer au foot. Mais non. Bah, il aurait fait un excellent flanc droit. Ah oui, Piketty arrière gauche. Mathieu Ricard en point. Pour faire les têtes. Au but, on met Onfray. Le gars, il a pas peur de Dieu, il a pas peur de Messi. C'est bon, très bien, les gars. Ouais, belle équipe. Ça va, t'as compris maintenant? Compris. Bah, ce que je comprends, c'est que je vais acheter le livre de Zlatan. Bonjour la France Inter, bonjour à tous. Voici l'émission qui remanie l'actualité. Et voici les trois informations qui sont appelées à occuper un nouveau portefeuille dans un programme d'ouverture. Plus l'intellectuel est médiatique, plus ça lui rapporte en droit d'auteur, en croisière conférence et parfois en conseil pour des marques de cosmétiques. Et quand deux intellos médiatiques se croisent, qu'est-ce qu'ils se disent? Ouais, mais dis donc, c'est peut-être pas très honnête d'utiliser ce pognon-là. Bah non, mais... On va quand même pas se mettre à travailler. Les neurologues ont-ils leur place au sein de l'éducation nationale? Ils proposent une pédagogie différente pour accroître la concentration, la créativité ou la mémoire. Est-ce compatible avec la méthode d'enseignement traditionnelle que voici? Alors moi, les meneurs et les petits malins, je leur pète la gueule dès le début de l'année. Comme ça, c'est tout de suite réglé. La reconversion des grands sportifs les propulse presque systématiquement en VRP. Un nageur qui pose en slip pour une marque de chips, c'est pas encore le pire destin, ça. Peut-être me dit quelque chose. J'y suis, t'es Bill Morton, dealer de hashish à Bolette. Non, joueur de football. Le football, il y a trop d'argent en jeu, tous des minables. Et je suis accompagnée de celui qui s'est déjà reconverti puisqu'il a été journaliste sportif. C'est Alex Vizorek. C'est pas faux, bonjour Charline Vanhoenacker et l'équipe. Et bien par rapport à hier, ces gros remaniements, vous allez voir à 17h20, c'est le spécialiste du sport. Il met des mots sur des gestes, des adverbes sur des actions, des qualificatifs sur des carrières. Bref, il est vraiment Samir Bouadi. C'est plaisir. Bon, écoutez, moi je vais parler d'un truc dont tout le monde se fout, ça s'appelle la Coupe de France. Voilà. Oui, mais le sport c'est en général, tout le monde s'en fout, mais je m'en vais. C'est pas grave, à 17h30. Hier, pour parler de l'absentéisme à l'Assemblée, il a fait comme eux. Il n'a pas fait de chronique. Ouais. Aujourd'hui, a priori, il a fait une chronique sur la voyance. On espère qu'il va faire comme eux, dire énormément de conneries. Bonjour, Guillaume Meurice. Bonjour, Alex. Bonjour, Charline. Moi, je me suis rendu au salon Parapsy, oui, un salon qui réunit des voyants qui m'ont prédit des choses, notamment sur cette chronique du jour. C'est vrai. J'ai plus le côté où vous allez le passer vendredi ou le week-end. Donc cette chronique, elle passera pas ce soir? Moi, je pense pas. Voilà, dans 30 minutes, on saura à peu près si c'est fiable. Il y a un vrai suspense à 17h40. J'espère que sa chronique passera, car c'est mon Everest sentimental. Déjà parce qu'elle est inaccessible et aussi parce qu'elle est extrêmement froide avec moi. Bonjour Clara Dupont-Moleau. Bonjour Alex. De quoi on va parler? D'un livre dont tout le monde parle, qui s'appelle « L'histoire de la violence » de Édouard Louis. Et aujourd'hui, le référent de la République qui préside cette émission est né sous Vincent Auriol. Vous êtes Popeye des Bronzés en 78, c'est l'année de la première route du Rhum. Vous jouez dans Le Dîner de Cons en 98, quand les yeux dans les yeux et sous serment, non, Bill Clinton n'a pas eu de relation inappropriée avec une stagiaire. Et vous devenez le parrain de la Fondation pour la Recherche Médicale en 2004, quand est inauguré le viaduc de Millau. Et vous êtes, je vous laisse nous le dire, vous êtes... Thierry Lhermitte. Sur France Inter. Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Bah, vous êtes le vrai, qu'est-ce qui me le prouve? Je l'imite à la perfection. Je peux faire d'autres personnages. Mais Thierry Lhermitte, c'est mon favori. Vous faites Michel Blanc, vous faites ou pas? Non. Thierry Lhermitte, que l'on peut voir au théâtre en ce moment, dans le syndrome de l'Écossais. C'est au théâtre des nouveautés, avec notamment Bernard Campan, Christiane Millet. On dit Millet ou Millet? Millet. Voilà. Et Florence Darel, Alex Vizorek est allé vous voir. Sur le côté, hein. Oui, parce que vous venez gentiment faire de la promo, mais il y a un monde fou. Ouais. Et ça rigole c'est énormément. C'est pas de la promo, c'est parler d'une œuvre artistique. Oui, excusez-moi, l'œuvre artistique, donc le syndrome pas de l'Écossais. Promo dans cette émission, c'est un gros mot. On va le pitcher quand même. En fait, le pitch, il est hyper facile. C'est un dîner de famille entre deux couples, c'est deux sœurs qui ont chacun leur homme. Et ce dîner, par rapport, personne n'en a vraiment envie, et il part en couille. Ouais, et puis il va pas, même pas avoir lieu, parce qu'on mange rien, on mange de radis et un olive. Quand on mange un peu. Voilà, moi, je bois énormément, parce que je suis légèrement alcoolique dans cette histoire-là. Vous êtes écrivain. Ouais. De gauche. Ouais. On en parle. Rôle de composition, comment ça se passe? Il y a tout un débat là-dessus, mais parce que le thème sur les intellectuels qui arrivent, c'est un peu ça que lui reproche Bernard Campan, qui lui est plutôt businessman. Oui, bah, on a une petite discussion assez pas violente, mais animée, qui est vite arrêtée par mon épouse, qui dit si vous arrêtez, vous n'êtes pas obligé de dire des poncifs pour convenir dans 5 minutes que Blanc-Bonnet est Blanc-Bonnet. Voilà. Donc... vos épouses qui veulent tous les deux vous emmener chez le psy, qui vont elles-mêmes, il y a un truc où tout le monde est taré dans la pièce. C'est un peu des pantins, quoi, les quatre. C'est... Non, j'exagère. Il y a mon épouse qui dit des choses sensées tout le temps. Sinon, on dit des grosses banalités, on dit des poncifs d'aujourd'hui, quoi, bien dans l'air du temps. Et on s'engueule pour des trucs sans importance, des interprétations psychanalytiques grotesques. Voilà. C'est un peu comme notre émission, en fait. C'est exact. Café du commerce, un peu. Voilà. Vous dites oui, elle a à peine commencé l'émission. Mais oui, je la connais aussi. Il est venu quand même. Et donc, moi, en tant que humoriste, j'ai trouvé pas mal de types d'humour, et en ça, je trouve qu'elle est vachement bien écrite, parce que ça varie. Donc, entre l'humour, je dirais lettré, quand vous dites il est de droite, il est de gauche, il y a de la vanne écrite, il y a du quiproquo, évidemment, comme une bonne... Il y a un gros quiproquo, comme une bonne pièce de théâtre, et il y a même du costume. Ah, Bernard Campan qui vraiment arrive dans une tenue pas permise. Bah, il a pris une douche, ses vêtements sont voilà, il y a eu le peignoir, enfin par là, donc il a pris la chemise de nuit, enfin une espèce de chemise de nuit horrible de mon épouse, et ça vient corroborer ce qu'elles se sont monté le bourrichon avec, voilà, ils viennent juste de dire un truc, et quand il arrive, c'est un gros éclat de rire, faut le dire, et ça vient corroborer le quiproquo, voilà. Thierry Lhermitte, est-ce que cette pièce on va pouvoir la voir ailleurs en France? Oui, tournée. Bah en France et dans le monde, bien sûr. Bah oui. À Broadway. Belgique-Suisse, Canada, voilà, en dehors, c'est pas. Oui. Bah oui, j'imagine que c'est parfois un luxe de pouvoir le faire, mais c'est aussi un énorme plaisir d'aller la balader, cette pièce. Bah j'adore, je préfère. Si je pouvais, je ne ferais que la tournée. Oh ah oui, oui. C'est gentil pour les Parisiens qui viennent massivement. Ils détestent Paris, Thierry. Non, je vais vous expliquer pourquoi. C'est très vénal d'une part, parce qu'on est mieux payé en tournée, parce que les salles sont plus grandes. Les gens sont extrêmement sympathiques. Contrairement ils sont à Paris. Pas blasés. Bon, là, notre public, il est vraiment sympa. Bon, voilà. Il y a quand même deux, trois connards. Souvent un peu blasé, alors que quand on est en France, en Belgique, tout ça, les gens sont contents, puis on découvre des restaurants, tout ça. Bien sûr. Une toute petite question par rapport à Bernard Campan, qui donc est quand même icône avec les inconnus, vous, icône avec le Splendide. Il y a association de malfaiteurs, quand même, ça a dû vous faire marrer de vous dire, allez, on va un peu jumeler ces deux esprits quelque part. Ça, c'était peut-être les décideurs du casting. Moi, j'étais content de travailler avec Campan parce que je l'adore, qui c'est un super acteur aussi bien dans la comédie que dans le drame. Et, c'est vrai, on nous a dit que c'était un sale con, c'est vrai. Non, certains le disent. Pascal Légitimus. Mais non, l'embrasse, on l'invite d'ailleurs. Très exagéré. Très exagéré. Allez, Thierry Lhermitte est avec nous jusqu'à 18h sur France Inter. Does that Ah, c'était vous. Il s'appelle Niarns Barclay. Vous êtes sur France Inter. Et on a une patate énorme parce qu'il y a Thierry l'Ermite avec nous. Et surtout parce qu'il y a Jean-Vincent Placé au gouvernement. Oui. Et ça fait plaisir. Super. Thierry l'Ermite qu'on peut voir au bien théâtre sûr. Dans le syndrome de l'Écossais. Si vous trouvez de la place. Au théâtre des nouveautés avec Bernard Campan, Christiane Millet et Florence Darel. Et qui sera ensuite dans toute la France et puis oui. En Belgique et en Suisse. Et c'est une pièce d'Isabelle Lenouvel mise en scène par Jean-Louis Benoît. Faut le dire. Parce que c'est des très bons tous les deux. Ouais. Allez, moi je vais citer les gens autour de la table, comme ça on aura cité tout le monde. Il y a Clara Dupont-Mono et les autres. Allez, c'est Samir Boisdi et c'est Guillaume Meurice. Là, il s'est passé plein de trucs aujourd'hui. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. Vous mentez. Le journal de presque 17h17. Ça vous reprend. C'est un mensonge. Et on commence par les titres. Jean-Luc Mélenchon est candidat à la présidentielle de 2017. Mais non ! Mais si ! La Chambre régionale des comptes a relevé de grosses irrégularités dans la gestion de Levallois-Perret. Mais non ! Mais si ! Et aujourd'hui, exceptionnellement, il n'y aura pas de brève. Mais non ! Mais non, c'est une blague, allez. Ça m'avait fait peur. Et avant toute chose, évidemment, on a dû rajouter cette petite partie car on connaît le nom des nouveaux arrivants au gouvernement après Romain Imens. Oui, Jean-Marc Ayrault est nommé ministre des Affaires étrangères. Oui, notamment, choisi pour cette qualité, il parle allemand. Oui, et s'il se sépare aussi des interprètes au Quai d'Orsay, ça va pas arranger la courbe du chômage. Hein. Et on perd Fleur Pellet. Oh, le choc. Bibliothèque François Mitterrand, il lui prépare une caste premium. Mais on gagne Jean-Vincent Placé, on l'a dit. Qui est secrétaire d'État. Oui, donc toujours pas ministre. Ils ont beaucoup d'humour à Matignon. Félicitations. Le cours normal de ce journal. Jean-Luc Mélenchon s'est donc déclaré candidat à la présidentielle. C'était hier soir aux 20h de TF1. Mélenchon a démarré tellement vite qu'il a oublié de fermer le gaz en partant. Oui, en effet, le front de gauche risque d'exploser car le Parti communiste n'était pas au courant de cette initiative annoncée sur TF1. Donc. Oui, ça c'est à cause de l'antenne râtelier installée sur le toit du PC. On ne trouve personne pour la réparer. Peut-être ont-ils de la radio. Bah écoutez. Moi je propose ma candidature. C'est le peuple qui va en disposer. Voilà comment on traite une élection. C'est dans un rapport, me semble-t-il, ouvert sur les citoyens. Pas une carabistouille entre partis politiques. Ouh, la carabistouille. Carabistouille. Ça va plaire aux communistes. Mais oui, car la dernière fois que ce mot a été utilisé, c'était avant la chute du mur de Berlin. Carabistouille. Passons à droite. L'ex-community manager de Hollande a rejoint Alain Juppé. Oui, deuxième bonne nouvelle pour Alain Juppé. Le community manager de Valérie Trierweiler ne rejoindra pas Isabelle Juppé. Passons au Front National. Oui. Selon le journal Le Monde, Marion Maréchal-Le Pen pourrait bientôt se rendre en Syrie. Et oui, ça répond à la question, mais qui sont donc ces jeunes qui partent faire le djihad. Un point ancien président à présent. Oui, d'après Mediapart, Valéry Giscard d'Estaing bénéficierait de plus de 10 000 euros annuels d'abonnement à la presse payés par l'État. Précisons que Nicolas Sarkozy, lui, ne bénéficie pas de ce privilège. Ah bah non, les abonnements au Figaro et au Parisien lui sont personnellement offerts par ses amis Dassault et Arnaud. Passons à l'Île-de-France. La maire de Puteaux, dans les Hauts-de-Seine, est accusée d'avoir piétonnisé un quartier où sa fille vient d'acheter une maison. Honteux, c'est honteux. C'est honteux, c'est à vous écœurez de prendre des mesures écologiques. Oui. Et on reste en Île-de-France. Oui. La Chambre régionale des comptes a relevé de grosses irrégularités dans la gestion de Levallois-Perret par Patrick Balkany, notamment en pointant des rémunérations suspectes. Voilà, bah, du côté des Balkany, on se pose une seule question, mais combien ont été payés les magistrats de la Chambre régionale des comptes? Ils sont prêts à mettre le double. Passons à l'international. Oui. Émirats Arabes Unis, une femme nommée ministre du bonheur. Voilà, vu ce qu'ils pensent de la compétence des femmes, ces gens n'ont pas tout misé sur le bonheur. Mais ministre du bonheur, moi c'était un poste taillé pour Vincent Placé. Petite brève et puis on remballe. Allez, petite brève et puis on remballe. Californie, mécontente de sa coupe, elle tente d'abattre son coiffeur. En apprenant ça, le coiffeur de Paul Pogba a quitté le pays. Allez, Thierry l'Ermite nous accompagne jusqu'à 18h avant d'aller au théâtre ce soir, bien sûr, au théâtre des Nouveautés. Premier sujet, la une de l'Obs qui sort aujourd'hui sur les intellectuels et l'argent. Alors, il y a les chercheurs que vous connaissez, vous fréquentez un peu, Thierry l'Ermite, les chercheurs dont le confort de recherche peut être assuré par un CDI, par exemple. Et il y a les intellectuels médiatiques qui courent donc les médias pour vendre leurs livres. Et dans la nouvelle vague des conférences à but intello lucratif, il existe désormais les croisières. Alors on est tombé sur celle qui a réuni Henri Guénaud, Régis Debray et Luc Ferry. Et cette croisière conférence a eu l'air de beaucoup plaire à Henri Guénaud. Je suis le maître du monde. Henri, il est à fond. C'est l'air marin, il est à fond, il se sent plus. Voilà. Alors, c'est un des aspects du côté lucratif un peu d'être intellectuel. Alors, Thierry Lhermitte, que des intellectuels ou considérés comme tels gagnent beaucoup d'argent, souvent parce qu'ils sont très médiatiques. Est-ce que ça pose question ? Mais ils ne veulent pas leur argent, enfin, à mon avis, hein. Ils vendent des bouquins, les gens les achètent, où est le problème ? Oui, bien sûr. J'ai, franchement, tant mieux pour eux. Fin du débat. Merci d'avoir participé. Les gens qui s'offusquent des salaires de ceci ou de cela, c'est pas l'argent de l'État. Moi, ça me choque en aucune manière. Mais alors, y a quand même... C'est que les gens achètent les livres, c'est ça qui est choquant. Ils font ce qu'ils veulent avec leurs sous, les pauvres gens qui achètent. Alors, vous rencontrez beaucoup de chercheurs, vous vous intéressez notamment aux neurosciences. Est-ce qu'ils vous parlent, outre de leur travail, de leur salaire et de leur inquiétude, parce qu'il faut quand même, pour être chercheur, il faut être quand même dans un niveau de confort relativement minimum. Alors là, ils ne le veulent pas, ça c'est sûr, leur argent, eux ils sont payés, et on peut s'interroger sur est-ce qu'ils sont assez payés ou pas, parce que c'est vraiment pas grand-chose. Ouais. C'est des gens qui démarrent autour à 2000 euros après une douzaine d'années d'études. C'est pas beaucoup. Surtout s'il faut rembourser ses études, etc. Et oui, là c'est un autre... Là, on peut en discuter. Et puis ils n'ont pas le temps d'écrire des bouquins, forcément. Ou d'aller les soirs chez l'équipe. Oui, quand ils sont plus vieux. Il y a quelque chose qui est juste étonnant, c'est que c'est très franco-français de ne pas oser associer l'intelligence et l'argent. C'est un tabou qui est très franco-français. Aux États-Unis, il y a quelque chose de complètement décomplexé de ce côté-là. Oui, décomplexé. Puis c'est l'offre et la demande. Quand il n'y a que ça, si on achète ce que vous produisez, vous gagnez de l'argent. Sinon, non. En France, il y a beaucoup de choses qui sont financées par l'État ou par les collectivités. Donc, c'est un autre problème. Alors, est-ce que nous, on est d'accord pour payer un tel ce prix-là ou ce prix-là ? Les gens qui s'offusent honnêtement des salaires des footballeurs, quel est le problème ? C'est pas le salaire, le problème, c'est la redistribution des richesses. C'est-à-dire que ils payent des impôts éventuellement. Ils n'en payent pas assez. C'est ça le problème. Il faudra plus de. J'ai compris ce que vous m'avez dit. Pour payer les chercheurs, il faut bien prendre des sous quelque part. Oui, mais bien sûr, ils en payent. Ils en payent 1%. Mais ce n'est pas une question de pourcentage, c'est une question de ce qui leur reste. Est-ce qu'on a vraiment besoin de 300 000 euros par mois ? Non, donc ces gens qui ont... Oui, je l'ai cerné. Vous voyez ce que je veux dire ? J'ai compris. Mais est-ce que vous croyez qu'il faut gagner ce dont on a besoin ou gagner ce que les gens veulent bien vous donner ? Non, je parle pas de ça, je parle de redistribution. Et redistribution, c'est un pourcentage. Gagner, redistribution, vous voulez dire que on gagne jusqu'à temps et après tout va à l'État, c'est ça ? Pas forcément. On s'arrête de travailler à ce moment-là. Pas forcément tout. Ah bah non, on peut aussi penser au bien commun, à l'intérêt général. On n'est pas obligé de vivre que pour l'argent. Vous êtes sur France Inter. C'est normal. Mais on peut faire ce qu'on veut surtout. Je vous le conseille. Mais pourquoi il n'y a pas d'argent assez de donner tout ce qui dépasse le SMIG, de ce que vous gagnez, raison. Je vous admire et je vous félicite. Ne me poussez pas dans la caricature parce que j'ai un petit niveau là-dessus. Il y a par exemple André Comte-Sponville. André Comte-Sponville dans l'Obs. L'Obs l'appelle le Rolling Stone de la conférence en entreprise parce qu'il va dans les entreprises faire plein de conférences et il dit je suis loin d'être bon marché. Peut-être ce qui est intéressant de savoir, c'est de savoir qui paye si un intellectuel est beaucoup payé, qui le paye ? Parce que ça peut peut-être influencer. C'est comme un spectacle. C'est-à-dire que vous achetez un conférencier qui vient parler. C'est comme on achèterait le spectacle de Thierry Lhermitte et Bernard Campan. Ou les conférences de Nicolas Sarkozy. Exact. Mais ils sont pas payés très cher. Parce que moi, j'ai un ami dont c'est le métier de faire scientifique. Comte-Sponville, à mon avis, c'est... Oui, il est bien payé, mais je pense qu'il gagne moins de fric qu'un mec qui joue en Ligue 2, voyez-vous. Il faut vraiment que le mec soit une énorme star. Heureusement, la carrière est plus longue comme intellectuel, généralement. Attali, à mon avis, peut-être éventuellement, mais ils sont pas nombreux à gagner beaucoup d'argent. Attali, il a ses auteurs à payer. Donc, oui, c'est vrai. À la main aussi. Enfin, quoique non, parce que des fois, lui, il fait du plagiat. C'est vrai. Oh, pardon, ce sont des notes de bas de page. Excusez-moi, je ne voudrais pas avoir de problème. Concluez ce sujet. Puisque vous avez le crachoir, Samir Bouadi, intéressez-nous au sport. Je sais pas si Thierry Lhermitte, vous êtes sport, vous Karatéka, foot. Dans le foot, non. Karatéka, Thierry Lhermitte. Pas du tout. Mais enfin, on va parler de foot un peu quand même. On va parler de l'esprit. L'esprit Coupe de France, c'est quoi, mes amis? On en parle tout le temps, à longueur de temps. L'esprit Coupe de France, ça se résume à un truc tout simple. Les pauvres amateurs, on parlait de pognon à l'instant, rencontrent les grands clubs de notre championnat de foot. Alors, du coup, chaque année, on assiste à la même histoire. Un tout petit club fait parler de lui. Alors, pour les journalistes, c'est une sorte de marronnier. Alors, on ressort les sempiternelles expressions usuelles et usées du style « ça y est, on le tient, notre petit pousset hein ». Alors, il y a aussi le « ah là là là là », ça va être David contre Goliath. Ou encore « ah bah ils ont gagné avec du cœur, techniquement ils étaient en dessous, mais quel courage, blabla ». Bref, la Coupe de France est l'occasion d'assister à la starisation éphémère d'un club, donc, mais aussi d'un joueur, mes amis. D'un coup d'un seul, le gardien de but du club amateur, par exemple, de Vacherin en Moivron, club que j'ai inventé, donne des interviews, se prend au jeu, et lui aussi donne du « c'est une victoire d'équipe, certes j'ai arrêté 7 pénalités ». penalty, mais bon, on est une équipe et c'est aussi grâce aux autres. Enfin, j'ai quand même arrêté cette penalty. Bref, le type est porté en triomphe, on le balade dans la rue centrale de la petite ville, les commerçants lui font des cadeaux et c'est tournée générale chez Jeannette, qui pour l'occasion s'est rasé la moustache. Ce qui est cool d'ailleurs parce que ça repousse plus dur après, mais enfin bon, on n'a pas le temps de penser à ça. Elle aussi, elle est interviewée, hein, et à la fin du sujet, au 13h de TF1, Pernaud, pas du tout condescendant, il va de sa petite remarque sur l'établissement de Jeannette qui sent bon la France d'en bas. Enfin, je parle du bar, hein, pas de Jeannette. Alors cette France oubliée, hein, c'est celle des vrais gens qui aiment leur village. Oui, parce que la France est peuplée aussi de fausses gens. Il n'y a pas que des vrais gens en France, paraît-il. Bref, la Coupe de France, bah oui, mais j'ai appris ça aussi. Hein. La Coupe de France, c'est l'occasion de se souvenir que la France n'est pas que Paris, même si cette année, bah, mes amis, sans doute Paris, va la gagner. Bref, mais enfin, peu importe. La fête sera belle et, défaite ou pas, on aura mis sur la carte de France Vacherin en moivron, c'est déjà beaucoup. La Coupe de France, ça nous rappelle aussi un film de Jean-Jacques Hano, Coup de tête, avec Patrick Devers, un Patrick Devers bouc émissaire, accusé d'un crime qu'il n'a pas commis, mais au banc d'une communauté vindicative qui lui tourne le dos, mis au banc, mais pas sur le banc, puisqu'il fera gagner son équipe. Du coup, on le portera au nu, on l'adulera, on oubliera le crime, mais pas lui, lui ne l'oubliera pas. Il tient enfin sa revanche sur une société injuste. Il va profiter de son statut pour humilier à son tour. Bref, comme dans un western, il va regarder dans les yeux les méchants et leur faire baisser la tête, fier, debout, lumineux et plein de cette sérénité qui ne confond pas pardon avec oubli, justement. Il sortira de la ville à cheval sur un destin incertain, mais neuf. La Coupe de France comme toile de fond d'une tragicomédie où les puissants perdent le match contre le pauvre solitaire. C'est une sorte d'utopie nécessaire, une mascarade salvatrice, un carnaval purificateur où les icônes froides et cyniques deviennent pour un temps des losers. Eh oui. Les valeurs sont inversées en Coupe de France. On peut croire un instant que le courage suffit à la victoire. Mais non. Bah oui, Guillaume, non. Bah t'as raison. L'argent est toujours là. L'argent qui achète des joueurs aussi courageux que talentueux. L'argent. Et qui s'en plaindrait finalement, hein ? Le carnaval se termine au petit matin. Les gueules de bois titubent. On y a cru. C'est déjà ça. La Coupe de France, c'est comme la coupe de cheveux de Donald Trump, voyez ? Ça permet la moquerie. Le carnaval, ça nous distrait pendant qu'en dessous, un cerveau très calculateur prépare une victoire, sinon factuelle, tout au moins idéologique. Cette année, le petit pousset s'appelle Granville. On lui souhaite de retrouver le chemin de la maison le plus tard possible. Et moi, je vais me moucher maintenant. Oui, vive Granville Foot. Merci, Samir Bouadi. Merci à vous. Thierry Lhermitte, votre sport de prédilection, ce serait quoi alors ? Depuis une quinzaine, c'est l'équitation. Ouais. Comme Jean Rochefort, un peu. Voilà. Passion commune. Les choses olympiques. Voilà. Non, parce que je ne suis pas du tout pour concours hippique et tout ça. Mais là, c'est le cheval qui fait tout, là, non ? En partie. Est-ce que c'est dans les ripoux que vous avez fini par aimer ça? Parce que vous avez été beaucoup sur les champs. Ouais. Non, mais c'est pas mon truc. Ni la course, ni le concours hippique. C'est quoi? C'est le trot? Non, c'est l'éducation du cheval. C'est, voilà. Mais avant, c'était le bateau. Vous avez beaucoup Le bateau. J'ai fait beaucoup de bateaux aussi. Ouais. Non, c'est tout sur vous. Thierry Lhermitte qui est au théâtre dans le syndrome de l'Écossais. C'est au théâtre des nouveautés et puis bientôt dans toute la France avec Bernard Campan, Christiane Millet et Florence Darel. Et là, on a le choix. Soit on vire Guillaume Meurice et on met un disque. Là, vous donnez raison aux voyants si vous faites ça. On garde Guillaume Meurice. Tout ça, c'est à cause du remaniement évidemment et du flash qui a duré. Donc on dit zut à la musique et on dit oui à Guillaume Meurice. Ben oui, en plus, voilà, moi je suis très très énervé par le traitement de l'info à France Inter, notamment sur le remaniement. Moi, je suis désolé, BFM TV, ça fait 3 semaines qu'ils balancent des noms au pif et puis qu'ils rajoutent à la fin. Mais pour le moment, rien n'est définitif. Ça, c'est du journalisme, putain. Comme ça qu'on fait de l'audience. Bon. Et on pouvait même faire plus fort que BFM. On pouvait anticiper le remaniement de manière tout à fait sûre et certaine. Pour ça, je me suis rendu ce matin au salon Parapsy, le salon des médiums, des voyants et autres professionnels de l'avenir. Alors, je vous vois venir, vous allez vous moquer. Voilà, ils se moquent, bah voilà. Mais non. Voilà, parce que vous croyez pas aux forces ésotériques. C'est ça votre problème. Alors, je tiens à mettre les choses au clair tout de suite. Je me suis assuré que les révélations qui vont suivre étaient crédibles. Alors, c'est simple, vous allez voir. Par exemple, j'ai rencontré un médium qui sait décrypter les lettres d'un prénom. Et je vais prendre mon exemple, ok ? Signification de Guillaume. Alors, le G symbolise le courage. Le U symbolise la joie. Vous êtes quelqu'un qui aime sourire, et je le vois. C'est vrai, jusqu'à là, c'est bon. Oui. Le I, vous êtes quelqu'un qui réfléchit quand même, qui réfléchissait beaucoup. Le L, vous grandissez de plus en plus dans l'observation et l'écoute. Le A, dans l'amour universel, vous donnez beaucoup d'amour. Mais c'est exactement et ça. Le U, on reste dans la joie. Le M, vous êtes quelqu'un d'ouvert, soif de connaissances, vous aimez apprendre. et le gardez votre vitalité pour vos activités. Et ben c'est mon portrait craché, ouais. Voilà. Donc combien ça vaut ça? Crédibilité. Faut pas s'appeler Quentin quoi. C'est gratuit. Là c'était gratuit. Bon, alors moi, j'ai mail, ça serait marrant. Mais aussi. Ah, j'ai fait d'autres tests hein, d'ailleurs. Ah, oui. J'ai fait Clara. Alors j'ai pas diffusé parce que c'est gênant. Enfin en gros ça donnait quelqu'un de d'hautain, d'hargneux, puis qui s'épile pas sous les bras. Enfin tout ça pour vous dire quoi. Les gens que j'ai rencontrés étaient fiables ce matin. C'est quasiment de la science pure et simple. Et puis, attention. Le M de Meurice, c'est très modeste, un peu merdeux. Aussi, on est dans la même. Réglerez vos comptes, après c'est le travail. Oui. Parce qu'il y a du travail, Clara Dupont-Monod. Ce sont des gens aussi qui ont du matos, hein, c'est important. Il y avait un voyant avec une gigantesque boule de cristal. Pourquoi? Plus la boule est grosse, plus on y va rapide. Ça nous permet vraiment de ressentir des choses plus rapidement. Alors là, vous devez être hyper rapide parce qu'elle est énorme, votre boule. Non, c'est vrai que ça surprend les gens. C'est aussi ce qui les freine quand ils passent devant le stand parce que ça change. Et c'est vrai que la méthode... Votre grosse boule impressionne. Ma grosse boule impressionne. Voilà, donc il y avait de la grosse boule ce matin. Donc on est sur une base solide. Hein, on est d'accord avec ça. On pouvait donc désormais se pencher sur l'avenir du pays. On commence avec un mage, hein, carrément, le mage Jacopo, qui a une vision très précise de la stratégie de François Hollande. La première des choses, c'est que tout le monde croit qu'il perd. Sa cote de popularité, elle est très très bien, vu comment elle est basse. Parce que quand quelqu'un est bas, c'est qu'on s'intéresse encore plus à lui. Seulement, on dit, ah oui, je l'aime pas. Mais si tu l'aimes pas, la personne, c'est que tu la regardes. C'est que tu la regardes. Donc déjà, lui, dans sa stratégie, elle fonctionne. Donc plus il baisse... Plus il baisse, plus c'est intéressant pour lui. Alors attendez, si on suit votre logique, s'il est à 0% d'opinion favorable, ouais. Moi, il a encore pas. Plus de chances d'être élu. Ouais. Moi, je vous dis oui. Vous voyez, alors là, on est dans la logique pure. C'est pas Jean-Claude Van Damme, hein, c'est un vrai mage. Bon, d'ailleurs, vu comment la cote de Hollande baisse, hein, ça m'étonnerait pas qu'il bosse en freelance à l'Élysée, le mage. Alors, un autre médium tout à fait fiable, lui, qui travaille comment? Bah, je palpe, hein. Je palpe la photo, et puis je ressens après mes guides spirituels. Voilà. C'est intéressant, ça. Si je vous donne une photo de François Hollande. Il va pas rester au gouvernement. Ah, François Hollande va pas rester au gouvernement? Non, du tout, du tout. Mais alors attendez, parce que là, il n'est pas au gouvernement. François Hollande, il est président. Ah voilà, mais il n'est pas au gouvernement. Actuellement, ben, il est président, il est au gouvernement. Oui, alors, non. Alors, ils sont fiables en médium, hein, uniquement pas en fonctionnement des institutions. C'est-à-dire, non, là, ils savent pas. Enfin, ils savent dialoguer avec De Gaulle, ça, il n'y a pas de souci, mais pas, ils n'aideraient pas à rédiger la Constitution, en fait, ça ne marcherait pas. Alors, restons concentrés. Hein. Je lui ai demandé donc ses prévisions pour ce remaniement. Est-ce qu'il n'y aurait pas possibilité d'un ministre d'ouverture? Alors, un homme de droite, hein. Oui, il est né pour parler, oui. Oui. Ah, bah alors voilà, c'est intéressant. Ouais, ouais. Ah, il faudra... est né pour parler, oui. Ouais. Faudra arriver à savoir qui alors. Alain Juppé, est-ce que ça pourrait être... Oui, il en est question, oui. Ouais. Alain Juppé au gouvernement? Oui, mais ça ne marchera pas. Il sait qu'il est fini. Ouais. Il est foutu. Ah, il est foutu. Juppé est foutu. Alors bon, il y a eu quand même hein, des hommes de droite, il y a Jean-Vincent Placé. Hein, donc voilà, donc ça fonctionne quand même un peu. Si on avait annoncé ça sur Inter, ça aurait eu de la gueule. Bon, qui aurait-il pu avoir d'autre dans ce gouvernement? Je suis allé voir cette fois-ci un tireur de cartes. Il y a quelqu'un du Sud qui arrive au gouvernement. Du Sud hein, comment s'appelle il a Estrosi, hein. Estrosi est bien quand même, hein, comme garçon. Hein. Hollande peut nommer Estrosi, c'est... Peut nommer Estrosi, mais le ministère étrangère. Estrosi, ministre des Affaires étrangères. Des Affaires étrangères, c'est une femme. Voilà. Laurent Fabius. C'est une femme. Putain, Laurent Fabius, c'est une femme, merde! Alors, attendez, Estrosi, ministre des Affaires étrangères. Bon, là, non, pas trop. Même BFM TV, ils auraient pas osé ça. Bailey est entré au gouvernement, il est un peu du un sud. Un peu du sud, ah oui. Ah, ouais, mais là, on était sur du Estrosi, quand même. On était sur l'Estrosi. Alors, notre tireur de cartes a souhaité quand même faire une petite rectification. Alors, pas sur le sexe de Fabius, hein, qui est une femme, donc, mais plutôt sur le poste d'Estrosi. Il peut être nommé même aux finances. Ah, Christian Estrosi, ministre des Finances. Ouais. Il peut être aussi, parce qu'il va être plus rapproché, on va plus le rapprocher de Hollande et de Valls. Ah, ça c'est intéressant. Ça c'est très intéressant. Ben oui, ben ça c'est intéressant. On aurait dû annoncer ça sur Inter, on aurait eu des scoops. Alors bien sûr, évidemment, vous allez me dire, pendant les 5 dernières minutes, on a sans doute entendu pas mal de conneries. Mais moi je vais vous dire sûrement moins que sur BFM TV. Merci Guillaume Meurice. Cyril Hermite qui dit... J'aime ça, Vous aimez ça, hein. Ah ouais, ouais. C'est dans le salon de la voyance et de la para, je sais pas quoi. Ah, c'est excellent. La para, je sais pas quoi, ça vous intrigue toujours. Hein. Moi, j'aime les mecs qui réparent le petit électroménager par téléphone. Est-ce que vous pouvez me passer le toaster, s'il vous plaît? Voilà, allez-y. Ouais, ouais. Bah, écoutez, s'il est réparé demain, vous envoyez 10 euros. Ça existe. Cyril Hermite est avec nous et vous vous intéressez de près aux neurosciences. Et justement, Télérama consacre un gros dossier à l'apprentissage, notamment en maternelle, moment crucial. Et les neurosciences peuvent nous indiquer le chemin de la créativité, de la concentration et bousculer aussi le format parfois rigide de l'éducation nationale. Parce que parfois, c'est rigide quand même. Bah, tu vois ? Voilà. Hein ? Donc le format 24 sur 32, 48 pages, petit carreau, ça n'existe pas. Ça existe en 92 pages, ça existe en 140 pages, hein, ça existe en grand carreau, en 21 sur 29,7, mais en petit carreau, format 24 sur 32, 48 pages, ça n'existe pas. Je suis désolée de te dire ça, mais c'est ce que me demande la prof de français. Regarde, là, c'est marqué, là. Bien, c'est bien dommage pour toi, ma petite fille, parce que tu vas devoir te la farcir toute l'année. Et j'ai le regret de te dire que ta professeure de français est une conne. Voilà, c'est Valérie Bonneton. Non, fais pas ci, fais pas ça. Alors, il y a tout un dossier dans Télérama, c'est d'ailleurs la couverture, hein, maternelle, une expérience révolutionnaire, où il y a notamment question d'une spécialiste, d'une neurologue, qui a essayé d'infiltrer un peu l'éducation nationale par une voie tout à fait normale. Hein. Et puis, l'éducation nationale, là-bas, froid, explique l'article. Alors, les neurosciences, c'est ce qui permet de savoir comment fonctionne l'être humain. Quels espoirs vous mettez, vous, dans ce secteur de recherche qui vous passionne, Thierry Lhermitte ? Ah, disons, c'est super sérieux, là, pour l'émission, hein, là, dis donc. Ah oui, c'est pas que de la déconnade. Ça fait très peu de temps que l'imagerie du cerveau, ça fait 20 ans à peu près qu'on commence à voir ce qu'on étudiait de l'extérieur. Donc, c'est vraiment, on est en un stade de découverte et il y en a tout le temps. Et, donc, il y a un champ des possibles, incroyable. Le chercheur qui est cité là-dedans, qui est Stanislas Dehaene, qui a un maître extrêmement important, c'est lui qui a écrit Les neurones de la lecture, par exemple. C'est lui qui a prouvé que la lecture globale, c'était une catastrophe. Parce que on le savait par expérience que c'était. Alors, une la lecture globale, c'était d'apprendre les mots visuellement, l'ensemble d'un mot. Alors, il y avait marqué, par exemple, le chat boit du lait, et puis les enfants lisaient Minou a soif. Voilà. Parce que le chat, c'était le concept du chat qu'ils avaient compris, mais il n'y avait pas marqué L-E, chat. Ah, oui. Et Stanislas Dehaene, grâce à l'imagerie, il a prouvé que la lecture, ça se faisait avec L-E, le. Et que c'est ce que notre cerveau fait à chaque fois qu'on lit, même si on fait des raccourcis par l'expérience, mais le cerveau, il fait à toute vitesse L-E, A. Et c'est comme ça que ça marche, et que chaque fois qu'on fait un truc globalement dans l'apprentissage, c'est du temps perdu pour le vrai apprentissage. Voilà, lui, il l'a vraiment montré. Voilà. Et alors, donc, les neurosciences permettent de rechercher les grandes lois naturelles de l'apprentissage, et l'éducation nationale devrait ouvrir ses portes un peu plus. J'ai lu l'article que j'avais pas lu, là, grâce à vous, j'ai fait mes devoirs. Là. Service public, vous savez, c'est notre rôle aussi. Bon. L'éducation nationale, elle devrait permettre l'accès aux découvertes des neurosciences sur l'apprentissage et surtout agglomérer les expériences des enseignants pour savoir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas, quoi, voilà, de manière à ce que ça avance, que ça progresse, et puis qu'il y a un peu de science dans l'intuition dans la tradition. Globalement, l'éducation nationale est un ministère qui ne tolère qu'à moitié le hors norme. Je suppose, franchement, je connais pas. Et sinon, Thierry Lhermitte, vous qui vous intéressez à ce sujet de près, est-ce que en ayant quelques connaissances là-dessus. Ouais. Vous, en tant qu'acteur, vous utilisez des choses que vous avez apprises des neurosciences pour mémoriser ou... Par exemple, quand on est acteur, il faut qu'on sur scène, faut savoir son texte de deux manières, par exemple. Il faut savoir d'une manière séquentielle, c'est-à-dire que ça sorte au fur et à mesure comme c'est écrit, que voilà. Mais cette mémoire-là, en revanche, elle est extrêmement sensible au stress, c'est-à-dire tout d'un coup, quand ça s'arrête, la suite vient pas, et là, le stress arrive. Du coup, faut le savoir aussi d'une autre manière, faut le savoir de manière structurelle. Faut savoir qu'après ça, il y a ça, qu'avant ça, il y a ça. Ah, oui. Et si on le sait pas de ces deux manières-là, c'est-à-dire pouvoir réciter un texte à l'envers, ça c'est structurel, et puis savoir séquentiellement comme ça. Comme avoir une image dans la tête. Les deux. Si on a une mémoire visuelle, on peut avoir l'image de son script, de son scénario. Par exemple, oui. Et puis, aussi que ça sorte tout seul, au fur et à mesure que ça vient. Il y a ces deux manières. Qui est le corps qui répond à ça, selon où la mise en scène, quand vous vous déplacez, ça s'ajoute, vient spontanément et vous ne savez pas pourquoi il est. Exactement, j'imagine que la mémoire, elle classe l'endroit en même temps que le texte, avec le geste, avec l'expérience. Quoi. Mais c'est une affaire de corps, la mémoire. Bah, pas que, quand même. Non, mais Oui, mais enfin, on peut imaginer d'avoir un texte qu'on sait sans aucun rapport, sans aucun déplacement, quand même. Il y a plein de trucs. La table de multiplication, vous le. Dans les beaux jours de Beckett, elle est coincée dans le truc. Mais en revanche, par exemple, il y a un autiste qui a écrit. Oui, qui a écrit « Je suis né un jour bleu ». Ah, bon point, oui. Voilà. « Je suis né un jour bleu », il raconte comment il a pris les 10 000 premières décimales de pi. Donc pour nous, c'était absurde de savoir ça, mais il dit « Vous, si vous voyez un paysage, c'est facile, vous dites « Là, il y a une colline, ensuite il y a une petite maison, et puis un vallon, machin. » Il dit « Voilà ce que je vois ». Quand j'ai les 10 000 premières décimales de pi. Oui, voilà. Il faut lire Embrasser le ciel immense, qui est un chef-d'œuvre, notamment au niveau de la pédagogie, de l'apprentissage des langues et de la mémoire, justement. Parce que lui, en tant qu'autiste, enfin Asperger, il a un rapport avec la mémoire qui peut nous apporter beaucoup à nous, finalement. C'est très intéressant. Eh bien, je vous renvoie au Télérama de cette semaine. Achetez la presse, vous savez, c'est notre grand message aussi dans cette émission. Beau débat, beau débat. Clara Dupont-Monod, Charline Wallenecker. Et la lecture dans tout ça. Oui, alors l'actualité, ça n'est pas que les neurosciences, c'est aussi un livre qui a beaucoup fait parler de lui ces derniers temps et qui s'appelle Histoire de la violence de Édouard Louis. Alors, je ne sais pas, Thierry Lhermitte, si vous en avez entendu parler de ce livre. Il a provoqué un quasi-unanimisme médiatique. Un petit tsunami quand même. Les très rares voix dissonantes se sont vues qualifiées de fascistes par l'intéressé. Donc, alors, avant de me faire traiter donc, de Pinochet en dentelle, parce que ça ne manquera pas d'arriver, j'ai attendu que la vague d'applaudissements passe et j'ai donc ouvert Histoire de la violence. Alors, ça raconte un jeune homosexuel qui s'appelle Édouard et qui rentre chez lui un soir de réveillon. Il fait nuit, il fait froid et il se fait aborder par un beau jeune homme qui s'appelle Reda. Édouard le fait monter dans son appartement, ils couchent ensemble et puis Reda essaie d'étrangler Édouard avec une écharpe et puis il le viole. Édouard porte plainte mais avec beaucoup de difficultés, puisque face à lui, les policiers sont racistes et tout au fond de lui, il a du mal à en vouloir à Reda car son père est un immigré kabyle des années 60 et il serait donc victime lui aussi à sa façon. Bon, où est le problème ? Le problème, il n'est pas dans le sujet, parce qu'au fond, un bon livre ne dépend jamais d'un sujet. D'extraordinaires romans se sont bâtis sur des intrigues assez maigrichonnes. Ne jamais oublier que Gustave Flaubert a fait un chef-d'œuvre avec une femme qui s'emmerde. Au fond, on peut voir les choses comme ça. Est-ce que le problème serait dans le discours sous-jacent, à savoir, il faut pardonner aux criminels parce que ce sont des victimes, etc. Alors, c'est urticant, c'est vrai, n'en déplaise à Guillaume Meurice, mais l'idéologie en littérature, l'idéologie, elle ne pèse pas très lourd face au style. Pour exemple, Paul Claudel ou Bernanos n'étaient pas spécialement progressistes et ce sont des auteurs immenses. Alors, où est le problème, me demandez-vous, Thierry Lhermitte, de votre beau regard bleu affolé. Le problème, il est que le lecteur se sent tout seul. Voilà, un peu comme quand vous prenez un café avec quelqu'un qui parle que de lui et qui, visiblement, se fiche un peu de savoir qui il a en face de lui. On se sent un peu exclu. Je m'explique. Le narrateur se déteste lui-même et évidemment, un extrême marchant souvent avec son inverse, il s'adore. Et pour exprimer ses sentiments à son propre égard, il fait parler sa sœur, qui s'appelle Clara, et sa sœur donc parle de lui. Vous suivez ? Bon. Ce double fond romanesque pose quand même des soucis. D'abord, ça donne des phrases un peu compliquées. Je cite « Clara dit à son mari que Reda m'avait demandé si j'allais finir par lui parler ». Je ne sais pas qui parle à qui, mais surtout cette technique ne dépasse pas la narration de soi. Toute littérature est narration de soi. Tous les écrivains s'aiment et se détestent en même temps. Mais l'enjeu, c'est quand même de dépasser le ressenti personnel pour ouvrir sur l'universel. Tout le monde s'en fout que Marcel Proust se couche de bonne heure et qu'il aime manger des madeleines. A priori. Mais si ça nous parle encore plus de 100 ans après, c'est parce qu'il fait vibrer des cordes en nous. Ça devient la mémoire de chacun. Ça nous est arrivé. Ça pourrait nous arriver. Ça appelle des choses. Pourquoi Jack London nous parle encore en 2016 ? C'est pareil. On n'est pas des chiens de traîneau. On ne connaît pas le Grand Nord canadien. On n'est pas chercheur d'or. Bon alors pourquoi ? Parce que le froid, les épreuves, la quête, ça nous parle. Donc vous voyez, le récit à chaque fois ouvre sur quelque chose de beaucoup plus vaste. On passe du particulier à l'universel. Et ce qui est dommage, c'est que Édouard Louis, il a assez de talent pour réaliser ce tour de force littéraire. Je vous invite à lire son précédent livre qui était « Pour en finir avec Eddie Bellegueule », toujours paru au Seuil, mais c'était lui, voilà. Et c'était, pour le coup, ça avait vraiment de la gueule. Et c'est là où la consécration médiatique, quand elle arrive si tôt et si fort, eh ben en fait, c'est pas toujours une bonne nouvelle. Parce que, à force de nous expliquer que c'est un génie, de le comparer à un prodige, à un dramaturge antique, à Faulkner, texto, ça dessine en fait des attentes disproportionnées, en tout cas complètement en décalage avec une réalité toute simple. Voici un formidable auteur de 23 ans en marche. Je vous redonne les références. Histoire de la violence de Édouard Louis est paru au Seuil. Et je vous donne rendez-vous avec le Parisien Magazine dès demain en kiosque. De Bernard Arnault, qui le donne gratuitement à Nicolas Sarkozy. Moi, j'ai pas compris un truc au début, là. Vous dites qu'il le ramène, ils couchent ensemble et ensuite il le viole. C'est ça. Il sait dire qu'il n'était pas d'accord pour la deuxième fois, c'est ça. Voilà. Ah, j'en ai connu, moi, avec tout ça. peut arriver. Ouais. Ça peut arriver. J'ai pris sur moi. Hein, ouais, je suis libre. Prenez sur vous, oui, c'est cela. C'est le terme. Alors, le troisième sujet avec Thierry Lhermitte. Merci. Merci Clara. Hein, il fallait une belle conclusion à cette belle chronique. Et voilà. Merci Alex. Bonsoir Clara. Troisième sujet, la reconversion des grands sportifs est aussi périlleuse qu'un triple loot. Beaucoup deviennent VRP. Alors, l'Obs nous apprend que d'autres finissent hommes grenouilles ou danseurs de cancan. Et puis d'autres chanteurs. Pourquoi les champions ont-ils de la Danette? Danette, Danone, à tout moment de la journée. C'est si bon, la Danette, facile de se régaler. Les champions mangent de la Danette parce qu'elle contient plus de 75% de lait. Les champions aussi se lèvent pour Danette. Thierry Lhermitte, alors autour de cette table, qui a ce rappel de ça? Thierry Lhermitte, vous n'étiez pas loin. Non, du tout. Non, je ne me rappelais pas, mais on m'a dit un sauteur à la perche. Jean Galfionne. Jean Galfionne. Il a un petit grain de voix, non? Ça casse tout. Il faut se dire que c'était la meilleure prise. Il a dû le faire plusieurs fois, la chanson. Et c'est la fois où on s'est dit ça, bon, on n'aura pas mieux. Et oui, alors là, c'était quand il était encore champion. Et oui, alors c'est terrible quand on se reconvertit en tant que sportif. Souvent, on n'a qu'une solution, c'est VRP. Donc, est-ce qu'on ne devient plus qu'une image? Est-ce qu'on a ce sentiment quand vous avez fait de la pub, Thierry Lhermitte? Ah oui. À chaque fois qu'on le propose, c'est très très drôle. Ouais, elle était très belle. Magnifique. La première, c'était avec Tavernier, je crois, qu'il a retrouvé après pour. C'est exact. Ouais. Vous connaissez toute la publifilmographie. On a beaucoup d'ailleurs quand même. Ouais. Alors quand on sait ça, on met en jeu son image quand même, donc on est quand même soucieux, comme quand on choisit sa pièce ou son film, de regarder un petit peu à quoi ça ressemble, oui. Et de voir si ça vous correspond ou pas. Oui, faut éviter certains sujets, c'est sûr. Hein. C'est sûr. Les dragifugas, c'est pas votre truc. Oui, voilà, faut éviter. Il y avait une pub avec Daniel Herouin, je crois, champion du monde de kung-fu. C'était pas lui dans Ça va fort, sans citer la marque. Ça va fort, il y en a eu plein là. Il y avait un grand sportif, je crois, dans une de vos pubs, un champion du monde de kung-fu qui s'appelait Daniel Herouin, je crois. Oui, il connaît mieux que vous. Hein. Voilà. Morgan Parra en ce moment qui fait, exact. Ça va fort. Ouais. On a visité entre Jean Galfionne ou bien la pub Kinder avec Tonga qui est quand même bien. Ah oui. On peut pas, c'est pas son meilleur rôle. J'ai bien aimé les Sloogies, les Slip Sloogies. Ah oui, avec Yannick Noah. Ouais. Voilà. Très bien. C'était pas mal. Je pense qu'on a refait le monde, ce qui est un petit peu le but de cette émission avec ce sujet. Et c'était une bonne idée. Thierry Lhermitte. Eh bien, avant de filer au théâtre des nouveautés, on a une proposition à vous faire. Bien sûr, le petit galop d'essai. On vous propose le sketch. J'espère que vous allez l'accepter, parce qu'évidemment, il y a l'esprit Quai d'Orsay. Vous avez déjà joué des politiques. Je vous propose le rôle de Laurent Fabius, qui va devenir président du Conseil constitutionnel. Évidemment, très attendu par ses petits copains. Guillaume Meurice en Giscard d'Estaing, moi-même en Lionel Jospin. On y va, on se rend au Conseil constitutionnel. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir foutre aujourd'hui, hein? On attend le nouveau chef village. Pourvu qu'il soit pas trop énergique. Messieurs, voici votre nouveau président. Salut les jeunes. C'est vous le nouveau? Oui, vous pouvez m'appeler Lolo. Comment? Le monsieur te dit, tu peux l'appeler Lolo. Vous avez l'air tranquille ici, vous êtes Géo? Voilà, moi je suis Géo Trotskisme. Moi je suis Géo Accordéon. C'est cela, oui. Monsieur Giscard, arrêtez d'embêter Lolo, enfin. Mais sinon, niveau gonzesse, comment ça se passe chez vous? Ah bah ici, vous êtes mal tombé. Ah bah dites donc, merci pour moi. J'ai niqué Brigitte Bardot. Brigitte Bardot, récemment? Ah mais figurez-vous que Brigitte n'est pas moche. Elle n'a pas un physique facile, c'est différent. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, on se mettra au travail. Écoutez, disons que c'est pas vraiment ça qu'on fait le plus ici, le travail. Ah bah ça tombe bien, j'ai l'habitude de m'endormir partout. Moi. Ah oui, ça oui. On fait une sieste. Ah bah non, on va prendre un petit verre pour fêter l'arrivée. Ah, du rouge? Non, juste le blanc. Monsieur Giscard, c'est l'heure de votre piqûre. Ah oui, j'aime ça, oui, sur la fesse droite. Dis donc, il a l'air chaud, Valérie, pour ses 90 balais. Ne m'en parlez pas, il me confond parfois avec Lady Di. Moi aussi, me confond parfois avec Lady Di. Qu'est-ce qu'il dit? Non, Lady Di. Écoutez, parfois, vous savez, ils sont fatigants. Les gars, je peux vous poser une question? Oui. Est-ce que vous seriez disponible mercredi soir? Thierry Lhermitte en Laurent Fabius. C'est impeccable. Ouais. Vous avez le rôle. L'assurance. J'ai limité moi-même, c'est tout. Il va nous manquer, parce que on parlait de ce remaniement juste avant de prendre l'antenne, parce qu'on en saura un peu plus à 18h. Un peu plus, mais d'accord. Le remaniement qui va bouleverser le monde, Thierry Lhermitte. Ça vous a fait penser à quelque chose? La dernière fois, on a changé de syndic à la réunion copropriétaire. Et je ne m'en remets pas encore. Et voilà, vous voyez, ça c'est à l'échelle locale. Hein. Le global influe le local et réciproquement. C'est pareil quand même, non? Nous étions, oui. Hashtag annule tout. Il y a Germaine qui dit j'aime quand pour une fois l'invité ne dit pas amen à tout ce qui se dit. Merci monsieur l'ermite. Voilà, hein, vous avez bien mis en boîte et Germaine est contente. Thierry l'ermite, merci beaucoup d'être resté merci avec à vous. Nous. Merci, ouais. Je rappelle merci. Qu'on peut vous voir au théâtre, oui, le syndrome de l'Écossais. C'est au théâtre des Nouveautés, une pièce d'Isabelle Le Nouvel avec une mise en scène de Jean-Louis Benoît. Voilà, et c'est avec Bernard Campan, Christiane Millet et Florence Darel. Et puis vous serez partout en France, comme ça nos auditeurs, même jusqu'à Limoges, pourront vous voir, ou en tout cas pas loin. Je ne sais pas si vous allez jusqu'à Limoges, mais vous le conseille. On diffuse à l'étranger. Merci. Allez, on se retrouve demain avec Louis Chédid, et je laisse le mot de la fin à ces fameuses croisières intello. Ouais, mais dis donc, c'est peut-être pas très honnête d'utiliser ce pognon-là. Bah non, mais on va quand même pas se mettre à travailler.